Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population d'Albanel un bon festival de la Gourgane et félicite les nombreux bénévoles qui rendent l'activité possible. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles estivaux. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 418-276-2385. Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicitent les organisateurs. On va parler avec notre ami Frédéric Deck qui se trouve à Cooperstown. Salut Fred! Salut Danny! Fred, t'es pas vraiment ta dernière visite à Cooperstown. T'es allé beaucoup, t'es allé trois fois dans les cinq dernières années. Mais profite-en, là, parce que si tu veux y aller une dernière fois, ça va être les prochaines fois, ça va probablement être comme touriste, parce que comme journaliste, ça achève. Ouais, ben malheureusement, oui. Comme tu dis, trois fois au cours des quatre dernières années. Ah, c'est ça, je pensais que c'était Pedro, cinq dernières années. Ben non, Pedro 2015, ensuite en 2017, Tim Raines, et puis cette année pour Vladimir Guerrero. Faudrait que Larry Walker fasse toute une remontée dans les intentions de vote, comme on dit, dans le sens des élections, parce que il y a eu 32%, son nom était sur 32% des bulletins l'an passé. Alors, ça prendrait deux excellentes années dans son cas. Et puis, sinon, ben, un peu comme on en parlait en dehors des ondes aussi. Jacques Doucet. Il y a toujours le cas de Jacques Doucet qui est possible. Moi, malheureusement, je pense que ça va prendre le retour d'une équipe à Montréal pour que le nom de Jacques recommence à circuler peut-être plus sérieusement, mais il serait tout aussi méritant là, que bien des journalistes qui sont déjà à Cooperstown. Est-ce qu'un gars comme Philippe, c'est de valeur, quand on regarde ça, Philippe, là, il aurait été prêt bien avant ça de diriger là, une équipe du baseball majeur. Tu sais, Philippe a été boudé longtemps, là. On l'a vu dans le documentaire d'ailleurs, puis ça, Jacques me l'a toujours dit, qu'il y a un petit peu de rancune envers les Expos. On l'a gardé souvent au niveau A, puis il aurait dû monter plus loin. Est-ce que Philippe, avec tout, mettons, dans 5 à 10 ans de plus, il aurait pu être un candidat au temple de la renommée? Ben moi, je comprends pas que le comité des vétérans n'ait pas subi son nom à Philippe Allou. Premièrement, pour ce qu'il a représenté pour le baseball dominicain, ouais. Ça a été un des premiers joueurs de position là à jouer là, de façon quotidienne. Ça a été un excellent joueur de baseball. Il est allé plusieurs fois au match des étoiles. Il s'est battu même avec son frère. Il me semble que c'est Matty pour des championnats de frappeurs. Ouais. Et ensuite comme gérant, ouais. Premier gérant dominicain. Il a pas gagné la série mondiale, mais si je me trompe pas, il a participé à la série mondiale avec les Giants. Série championnat. Il s'est fait battre par les Marlins de la Floride. Oui, c'est vrai. Puis ouais. Les Marlins sont allés gagner la série mondiale par la suite. Oui, t'as raison. Je me rappelle, je me souviens pas si c'est dans le documentaire ou dans sa biographie, mais il en parle. Jack McKeon est allé le voir avant le début de la série pour lui dire oublie ça, là, on lancera pas une fois Barry Bonds. Même avec les buts remplis, on va lui donner un but sur balle, ça va être moins dangereux comme ça. Ouais. Déjà, quand ton meilleur élément, quand tu le sais d'avance que tu pourras pas compter sur ton meilleur élément au bâton, c'est difficile. Là, mais effectivement, c'est les Marlins qui avaient atteint la série mondiale cette année-là. Mais en tout cas, ça pour dire que moi. Je ne comprends pas que Philippe Allou, le comité des vétérans, qui ont élu cette année Alan Trammell et Jack Morris, des candidats très valables là, avec des fiches qui se défendent quand on compare aux autres joueurs de leurs époques à leurs positions respectives. Moi, je pense que Philippe Allou, pour tout ce qu'il a représenté justement pour les Dominicains, c'est vraiment quelqu'un qui aurait dû être considéré. Et Jacques, parce que Jacques collabore beaucoup avec moi aussi, Jacques qui a terminé, dans soit dit en passant, sa traduction en français, c'est rien qu'une question, parce que l'éditeur, puis on attend le temps propice à quelque part. Là. Moi, il m'a dit que... Puis tu l'as lu l'article, la biographie en anglais, tu vas être en mesure de collaborer ce que Jacques a dit. Il dit que c'est le Frank Robinson des Latins. Excuse-moi, ça a coûté. Il dit que c'est le Frank Robinson des Latins. Jacques Doucet, il dit que. Absolument. Ah, la comparaison est excellente. Tu sais, sur le terrain, puis après ça, comme gérant, il a vraiment fait sa marque. Ouais, moi, je suis bien d'accord avec cette comparaison-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Cooperstown? Ben là, aujourd'hui, c'était l'école de baseball à Zisfit où on a pu renouer avec Jeff Bagwell, qui a été élu l'année dernière. Et les deux hommes me faisaient remarquer là, que un an plus tard, ils sont davantage en mesure d'apprécier leur participation aux festivités parce qu'ils n'ont pas un horaire aussi chargé que l'année passée. C'est pas aussi stressant. Ils n'ont pas de discours à donner. Alors, les deux hommes le pouvaient vraiment apprécier. Ils sont retournés voir leur plaque dans le hall des plaques. Et puis, vraiment, pour eux autres, ça a été un week-end beaucoup plus intéressant. Ça va commencer plus demain, Fred, hein? Oui, exactement, parce que demain, là, c'est là après la téléconférence de la semaine passée, c'est la première occasion qu'on aura de parler aux nouveaux membres du Temple de la Renommée. Alors, demain, on va pouvoir rencontrer Vladimir Guerrero, et puis, Chipper Jones, on a... Jim Bagwell... Jim Tomey, ben, c'était l'année passée. Trevor Hoffman, Guerrero, Chipper Jones, Jim Tomey. On a Alan Trammell, Jack Morris. Oui, c'est vrai. OK. Mais tu t'as parlé du comité des vétérans tantôt. Jack Morris et Alan Trammell ont été élus justement par le comité des vétérans. Ça, c'est pour les gens qui se posent la question du comité des vétérans. C'est un comité qui est formé par les gens du Temple de la Renommée pour des joueurs qui auraient été probablement oubliés. C'est ça Ouais, c'est ça, c'est un peu, je pourrais pas te dire exactement qui compose ce comité-là, mais c'est effectivement le comité de la dernière chance, là. On évalue les candidatures de joueurs qui sont joueurs gérants, bâtisseurs, qui sont pas assez proches d'être élus, mais qui n'ont pas rempli là, le quota de 75% des bulletins. Et puis là, c'est un choix un peu discrétionnaire, mais c'est quand même, c'est valable là, comme processus. Mais malheureusement, ça crée certaines... tu sais, il n'y a rien de parfait. Alors, moi je trouve que pour le Temple de la Renommée, c'est le meilleur... celui du baseball a le meilleur format de vote. Mais le comité des vétérans, ça crée toujours un peu la controverse. Là, cette année, pourquoi Trammell et Morris et pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas Lee Smith? Alors, ça, je dis que c'est... Pourquoi pas Lee Smith, effectivement? Ouais. C'en est un nom qui est fort... Ça, c'est carrément une injustice. Écoute, Lee Smith, Fred, quand il a pris sa retraite, il dominait la colonne des parties sauvegardées du baseball, de l'histoire du baseball majeur. Puis il est pas autant. Ouais. Et on parle de Lee Smith, là, le nom du sixième candidat qui est le quatrième élu. Sixième, c'est Trevor Hoffman. Oui, c'est ça, OK. Ouais. Alors, tu sais, c'est... des releveurs, des spécialistes là, de fin de match, il n'y en a pas des tonnes à Cooperstown. Non. C'est comme des gars qui ont eu des carrières exclusivement comme frappeurs désignés, il n'y en a pas des tonnes. Ce sont des positions un peu... qui était controversé parmi le collège électoral, si je peux me permettre. Ouais. Là, ça change avec les statistiques avancées. Puis écoute, les règles sont là. Les équipes utilisent des releveurs numéro un. Les équipes de la Ligue américaine utilisent des frappeurs désignés et celles de la Ligue nationale aussi quand ils vont jouer dans la Ligue américaine. Alors, c'est une position baseball. L'argument là, que les gars jouent pas en défense, écoute, un gars comme Edgar Martinez ou David Ortiz, même s'il joue pas en défense, c'est tout un atout pour ton équipe. Alors, je pense que ces arguments-là ne tiennent plus. Et les spécialistes de fin de match, même s'ils n'évoluent que pour une manche ou quatre ou cinq retraits, écoute, c'est un travail sous haute pression constamment. Il y en a... Ils sont méritants autant que les autres, à mon avis. Là. Mais ça, je pense que la tendance est en train de se transformer. Et Mariano Rivera, l'année prochaine... je pense pas qu'il va attendre 2 ans pour rentrer au Temple de la Renommée. Il y en a là-dedans, Fred, que ça a été quand même. Tu te rappelles-toi de Donnie Moore. Je sais pas si tu te rappelles de lui. En 1986, il avait donné un circuit à Tony Armas lors de la série de championnats de la Ligue américaine entre les Red Sox et les Angels. Ce gars-là s'est suicidé par après. Il a fait une profonde dépression, il s'est suicidé. Quand tu dis haute pression, là, c'est ça. Mitch Williams n'a jamais été le même après le circuit de, ben non, de ben Joe non, Carter. Il est devenu gérant d'une salle de quai par la suite. Oui, donc c'est ça. Non, effectivement. C'est un travail ingrat souvent parce que c'est le dernier rempart, hein, souvent. Ouais. Puis la moindre erreur coûte les matchs à ce stade-là de la rencontre. Ouais. Alors non, c'est vraiment un poste qui va être davantage considéré. Mais Fred, on revient sur Guerrero, on revient sur ce qui se passe là-bas. Donc, Vlad, tu vas le voir demain. Oui, donc, c'est demain qu'on va le rencontrer. Comment ça va se passer? Normalement, il va y avoir ça dimanche, il va y avoir l'intronisation. Les gens vont pouvoir voir ça à l'MB Network en passant. C'est demain que ça va se passer, c'est ça? Oui, exact. Demain, là, c'est un peu folklorique tout ça, là, parce que les 6 intronisés vont être... amené en même temps dans le gymnase du complexe sportif Clark ici à Cooperstown. Et puis là, il va y avoir 6 mêlées de presse simultanées où on va tout essayer de poser notre question à notre joueur qu'on est venu voir selon les marchés qu'on représente. Ouais. Alors, c'est une journée, là, vraiment, faut s'atteler, là, c'est une journée qui est pas agréable parce que tout le monde est dans la bulle de tout le monde, puis on essaie tous de faire le même travail en même temps. C'est une façon de fonctionner qui je trouve n'a plus sa place en 2018, mais les gens du temple ne semblent pas vouloir la modifier. On devrait les faire comme on fait avec l'appel conférence de vendredi dernier, les faire à la chaîne un après l'autre. Mm. Comme ça, tu dis on a 20 minutes avec chaque gars, au moins on le saurait, on pourrait se préparer une question. Certains, tu sais, moi, par exemple, Trevor Hoffman demain, il m'intéresse pas vraiment. Non. Mais peut-être, tu sais, les journalistes là qui veulent absolument le faire, mais qui doivent faire un autre joueur aussi. Exemple, les journalistes affectés aux Tigers, là, qui doivent faire les deux joueurs des Tigers, demain, ils vont être là en même temps. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en choisis un, tu ignores l'autre, ou tu fais quelques minutes à un, quelques minutes à l'autre, en risquant de manquer peut-être des citations intéressantes. C'est une formule à repenser, mais écoute, c'est comme ça, hein, le Temple de la Renommée, c'est une vieille institution qui travaille de la même façon depuis plusieurs années et les choses sont difficiles à changer. Oui, effectivement, puis c'est conservateur, donc c'est le baseball, les sports les plus conservateurs, ça doit être la même affaire. Mais tu parles des journalistes et ainsi de suite, là. Vlad vient de Los Angeles, va représenter les Angels, va avoir sa casquette des Angels, c'est des journalistes de Los Angeles, est-ce que ça risque d'être plus compliqué pour toi? Non, je pense pas, parce que bon, quand Pedro était ici, il y avait des journalistes de Boston aussi, puis il y avait des journalistes de New York parce que je vois les mettre brièvement. Alors non, ça sera pas problématique. Ce qui va être plus difficile demain, c'est qu'on doit passer par l'interprète, malheureusement, avec Vladimir. Fait que c'est ça qui va compliquer les choses un petit peu puis qui va prendre plus de temps au niveau de notre travail. OK. Donc dis-moi, Cooperstown, c'est-tu différent année après année? Est-ce qu'on ajoute, pour un gars là, comme toi, ça fait 3 fois en 4 ans que tu y vas, là, as-tu vu des changements ou c'est on est émerveillé la première fois? Des changements, au musée, il y a certaines expositions là qui ne sont pas permanentes, qui changent. Je suis pas allé visiter le musée encore cette année, je vais probablement y aller ce soir ou demain, là, après les conférences, mais c'est pas un musée qui change beaucoup, je te dirais. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les membres du temple qui sont présents pour le week-end. Parce qu'à chaque année, on invite tous les membres toujours vivants. Et entre autres, le samedi, t'as le défilé, là, des intronisés qui est toujours très intéressant. Ben oui. Sur la rue principale. Alors, ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis, pour le reste, ben, c'est de voir l'exposition aussi de les nouveaux membres. Alors, on a plusieurs articles là, qui touchent aux nouveaux intronisés. Ça, c'est intéressant également. Fred, en terminant, je veux te parler je veux te parler des Alouettes de 2 minutes, même si t'es en mode football, baseball, puis t'es comme un petit enfant, je te comprends, mais j'ai eu Larry Smith ce matin. J'ai l'impression que ça n'a pas le même bug que les autres années. Je m'explique, l'Expo Nation avant, l'année passée, entre autres, on avait organisé des autobus en provenance de Montréal avec Tim Raines. Même Pedro, je pense qu'il était là. Le fait que Vlad a décidé de porter la casquette des Angels, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas le même bug, hein? À Montréal, en tout cas, là. Moi, quand même, j'ai vu beaucoup de partisans des Expos ce matin, peut-être plus longtemps que l'année passée pour Tim Raines. Mais c'est plus demain, malheureusement, que je serai en mesure de te confirmer la s'il y a autant d'engouement qu'il y en avait l'an dernier, c'est le samedi là, qu'il y a vraiment une mer de monde à Cooperstown. Okay. Moi, je suis pas allé au village aujourd'hui. Je suis allé au complexe sportif qui est à la salle de presse pour faire mes trucs. Mais on se dirige là vers le village. Là, puis, peut-être que ce soir, je serai en mesure de dire davantage là, s'il y a autant d'engouement. Mais je sais qu'il y a des gens de encore Baseball Montréal qui vont... Oui, il y a des gens d'Expo Fest qui sont ici. Barry G. Oui. Qui est toujours là à chaque année. Et il y a des gens de la Expo Nation qui vont être également. Hey, Vladimir Guerrero Jr. va être là aussi. Je suis en train de l'oublier. Lui, les Blue Jays qui ont donné la permission, évidemment, d'assister à ça. Si t'as la chance d'y parler, c'est sûr qu'il ne le dira jamais, là, mais demande-y donc s'il n'est pas un peu découragé d'être au New Hampshire. ça devient ridicule un peu. Là. Il devrait être minimum au 3A. Je vais voir si je le croise, mais moi je pense que c'est le niveau 3A qui l'a avant au mois de août. Effectivement. Hey, Fred, en terminant, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu es attitré avec les Alouettes aussi à la presse canadienne. J'ai eu Larry Smith ce matin. Larry était en feu ce matin. C'est la première fois. Habituellement, je l'appelle une fois par année, parce que depuis quelques années, pour avoir ses commentaires sur les Alouettes. Habituellement, il gardait toujours une petite réserve. Mais ce matin, je sais pas ce qu'il avait pris dans son café, mais il était beaucoup plus volubile. Puis il s'est pas caché pour dire qu'il faut commencer à se poser des questions sur Kavis Reed. On le sait tous, là. Sauf que venant d'un ancien président, c'est assez spécial. Il a même dit que jamais je vais blâmer Robert, je vais critiquer Robert Whittenhall. C'est lui qui m'a donné une chance. Mais à un moment donné, il faut savoir se retirer. Ça veut tout dire dans ce temps-là. Puis il a même dit en terminant, les coordonnateurs à l'attaque et à l'offensive, c'est pas fort. Pour qu'un ancien président se permette des affaires comme ce genre de commentaires, ça en dit long sur l'état des choses chez les Alouettes. J'ai pas vu le match d'hier soir, là. J'étais déjà à Cooperstown, moi, mais il paraît que ça a été encore une fois désastreux. La seule bonne nouvelle, peut-être, c'est qu'on a marqué plus de 20 points hier. Ouais. Mais c'est une autre défaite. Comment t'as trouvé ça, le champ de Menzel? Moi, je suis content, mais on l'a payé cher, en mots, t'as dit. Si ça fonctionne pas, il y a bien des gens qui vont perdre leur emploi à cause de cette transaction-là. Si ça fonctionne, ben, c'est tant mieux. Mais c'est vraiment c'est un all-in, là, comme on dit au poker. Là, Kavis Reed a joué tout son magot sur cette transaction-là. Mais même si ça fonctionne, je veux dire qu'il s'en va dans NFL. Ouais, ben ça, plusieurs disent ça, on verra. Là. Oui, peut-être qu'il va avoir une autre offre pour retourner dans la NFL. Mais attendons voir. Laissons-lui le temps de, premièrement, jouer avec les Alouettes et de voir comment ça va aller avec les Alouettes. OK. Ben, Fred, on risque de se reparler peut-être la semaine prochaine parce que tu vas être à Atlantic City pour le combat de Kovalev contre Alvarez. Profite-en, comme je l'ai dit en début d'intervention, c'est probablement ta dernière en tant que journaliste pour... ça a pris beaucoup de temps. Fait que, puis on s'en reparle bientôt en dehors des ondes et en ondes. Parfait, merci, Danny. Frédéric Degg de la presse canadienne.